Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. En direct de l'Alberta, voici Kiwan en cavale. Nos lignes ont enfin réussi à se rejoindre. Kiwan, salut! Hey, salut! Ça va bien? Ça va bien, vous? Super! Très bien. Oui, là, t'es allé à Yellowknife, mon chanceux. Ben oui, ça fait quand même un petit bout là, que je suis revenu, mais ouais, j'étais allé faire un petit voyage à Yellowknife pendant les fêtes. Raconte-nous ça. Hey, mais dis-donc, vous autres, est-ce que vous avez passé des belles fêtes? Ah, c'est vrai, on est encore, nous, on est comme rendu quoi, le 13, mais il faut encore demander aux gens des fois. Oui, ben oui, on arrive au mois de février, là, mais on s'en parle encore, on s'est pas parlé depuis tant. On a passé de très belles fêtes, toi, Kiwan? Ben oui, oui, c'est ça. J'ai travaillé pas mal, puis j'ai eu seulement quelques jours de congé, puis c'était pour le jour de l'an. J'en ai profité pour faire un petit road trip vers le nord. Vous savez comment j'aime le nord. Donc, j'ai décidé de partir vers Yellowknife. Puis, je peux vous dire que c'est pas nécessairement le meilleur temps de l'année, là. L'hiver, pour aller en voiture à Yellowknife, là, c'est un périple en soi. Mais t'as pas eu d'accident au moins parce que t'es avec nous ce matin? Ben oui, oui, c'est ça, mais ouais, non, c'était quand même assez périlleux, là. Juste pour ceux qui connaissent pas trop leur géographie canadienne, Yellowknife, c'est un territoire du Nord-Ouest. Donc, c'est situé à 1850 km au nord de Calgary. Ah. Et il y a une route pour se rendre. La route est asphaltée même, sauf que l'hiver, la route est plus ou moins entretenue, là. Donc, c'est comme plus une route de glace presque, là. La route est glacée presque de début à la fin. Donc, c'est assez long, là. C'est 1800 km, mais en voiture, là, la vitesse est vraiment pas rapide, là. Souvent, là, je roulais comme 50 km/h pendant des centaines de kilomètres. Ouais. Combien de temps ça t'a pris? Ça a pris 25 heures. T'es malade! Oui, oui. Ouais, t'es malade. Tu dormais dans ton auto? Ouais, c'est ça, pour monter puis redescendre, là, quand j'étais sur la route, je dormais dans l'auto vraiment pas longtemps, là. J'ai vraiment fait ça en sauvage, là. Sauvage. J'ai presque fait 25 heures de route, là, non-stop. J'ai arrêté peut-être 3-4 heures faire une petite sieste, là, quand j'étais vraiment plus capable. Mais sinon, ouais, c'était de la route pas mal, là. Tabarouette. Puis là-bas, quand on est à Yellowknife, on est à peu près au, je crois, 62e parallèle nord. Donc, la luminosité n'est pas tout à fait la même. Hein. Là-bas, les journées sont un peu plus courtes qu'ici. Fait que, en fond, j'ai fait beaucoup de routes aussi là, à noirceur. Là. C'était pas tout de la clarté. Puis là-bas, pour vous parler un peu de la ville là, aussi, parce que je veux pas juste vous parler de mes heures de sommeil. ouais, c'est assez surprenant d'arriver à Yellowknife. Là. C'est une ville de 18 000 habitants. Donc, essayez d'imaginer là, autour de Trois-Rivières, une ville de 18 000 habitants. C'est pas gros. C'est là, pas énorme, non, c'est pas énorme. C'est vraiment pas gros. Sauf que quand on arrive là-bas, la ville a une silhouette. Tu sais, quand tu vois là, le détail de la ville au loin, le skyline, comme on dit, la ville a une silhouette vraiment hyper urbaine. On dirait presque une ville de 100 000 habitants. Ah, donc, sérieux? C'est plein d'immeubles. Là, d'immeubles de, en hauteur? 12 étages, ouais, il y en a comme une dizaine. Ouais. Donc, le centre-ville a l'air d'un gros centre-ville, de grande ville. Sauf qu'en fait, la ville est uniquement composée, on dirait, d'un centre-ville. Puis la raison pour laquelle c'est comme ça, qu'il y a seulement 18 000 habitants, mais que la ville est très urbaine, c'est qu'en fait, dans tous les territoires du Nord-Ouest, il n'y a pas beaucoup de place là, où les gens habitent. Les gens habitent principalement à Yellowknife. Et donc, tous les services du territoire au complet sont centralisés à Yellowknife. Donc, tout ce qui est gouvernemental, territorial, parce qu'en fait, c'est drôle, on ne pense pas, mais l'adjectif provincial n'existe pas vraiment là-bas. Hein. Donc, il n'y a pas de services provinciaux, tout est territorial, ah, oui. Les parcs sont territoriaux, tout est... Mais en tout cas, bref, tous les services sont regroupés là. Donc, tout se passe là, finalement. Donc, si vous sortez de Yellowknife, il y a seulement des espèces de petits villages, presque des bourgades. Ça en a un peu partout dans le territoire, mais tout est vraiment centralisé là. Donc, c'est assez spécial là, de voir... à quel point la ville peut avoir l'air urbaine, mais en même temps, 18 000, là, c'est presque un village. Est-ce que t'es sorti beaucoup au centre-ville de Yellowknife? Est-ce que t'es allé voir des places là-bas? Ben, j'ai cherché, je te dirais, les endroits où ça se passait. Puis c'est assez tranquille, je vous dirais, pour avoir... Tu sais, moi, j'aime ça aller dans des petites places là, isolées, des petits villages, même juste au Québec. Okay? Puis d'habitude, je vous dirais que dans les petites places, là, il y a tout le temps des espèces de d'endroits, de bars où les gens se regroupent. Puis étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, ben d'habitude, là, ça fête assez fort dans ces petites places-là. Ah ouais. Je pense à des petites places comme que je suis allé dans ma vie, comme Chibougamau ou Parent ou juste à Latuc, tu sais, des endroits isolés comme ça où le monde se regroupe au bout. Puis j'ai pas vraiment senti ce feeling-là, je vous dirais, à Yellowknife. Il y avait quand même quelques bars où il y avait des trucs qui se passaient. Parce que là, moi, j'étais au jour de l'an. Donc, il y avait le 31, la veille du jour de l'an. Je cherchais vraiment l'endroit où ça se passe. Puis je vous dirais que c'était assez tranquille un peu partout dans la ville. J'ai trouvé un petit bar qui avait l'air assez sympathique. Je suis allé là. Puis je vous dirais que malgré qu'il y ait quand même 18 000 personnes, quand t'es à Yellowknife et que tu viens pas de Yellowknife, tout le monde le sait. Ah ouais, ça doit pas être long, hein? C'est pas juste un feeling, là. C'est pas juste un sentiment, parce que vraiment, j'ai parlé avec des gens qui me l'ont vraiment dit, là. Ils ont dit, mais d'où tu viens, toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais ici? T'étais de la chair fraîche, mon Kiwan. Ouais, mais est-ce que t'avais l'air d'un Québécois ou d'un Albertain? Depuis que t'es en Alberta, t'as dû peut-être prendre un petit peu l'odeur de l'Alberta, là. Ben, moi, en fait, je pense que là-bas, tout ce qui est étranger un peu la même, le même aspect. T'es soit un des leurs ou soit un qui n'est pas des leurs, là. Ouais, c'est ça. Sauf que le fait d'être Québécois, en fait, ça, je pense que ça m'a rapproché un peu plus d'eux autres, parce que faut savoir qu'il y a une communauté francophone très, très, très présente à Yellowknife. Je crois que c'est la ville... En dehors du Québec et du Nouveau-Brunswick, où il y a la plus grande communauté francophone au Canada. Et donc c'est ça, j'ai commencé à dire que je venais du Québec là-bas, puis je me suis rendu compte que presque tout le monde parle un peu français. Il y a beaucoup de francophones qui parlent vraiment bien français, mais sinon, les autres le parlent tous un peu. Puis c'est ça, quand même une belle communauté francophone là-bas. J'ai essayé de découvrir un peu les artistes locaux, la vie culturelle locale. J'ai découvert beaucoup d'artistes francophones, mais quand même le son est pas mal tout un peu semblable là-bas. C'est très très folk. Okay. Ouais, vraiment très folk, très calme. Et il y a une radio communautaire francophone aussi là-bas, je sais pas si vous savez, ça s'appelle Radio Tiger. Non, moi je savais pas. C'est très, très communautaire, par contre. Là, comme, c'est pas universitaire, c'est vraiment ce que la communauté veut. On annonce les menus des restaurants, et puis etc. Les décès. Exactement. Ouais, la chronique micrologique. Ouais. C'est montant, mais il y a quand même une, pas pire, une partie de la programmation qui est quand même jeune aussi. Là. J'ai vu, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'écouter, parce qu'en plus, je pense qu'il était comme un peu fermé, là, ou un peu en vacances. Là, qu'il voulait faire. J'ai pas entendu beaucoup d'animateurs. Mais, on a eu ça nous aussi, Fayette. C'est commun à toutes les radios non commerciales, je pense. Mais c'est ça, une programmation qui avait quand même l'air un peu alternative là, à certains moments. Ça avait l'air quand même sympathique comme radio. Sinon, dans les artistes que j'ai découvert là-bas, phénomène assez étrange, il y a un artiste qui est très, très, très populaire là-bas, okay, qui s'appelle Godson. Et c'est un artiste hip-hop, mais très, très gangster rap, là, qui a un son très, très américain. Okay. C'est un artiste autochtone qui vient vraiment de Yellowknife et qui apparemment fait carrière là-bas. Là, je pense qu'il est encore là-bas et qui a à peu près comme une douzaine d'albums à son actif. Puis là-bas, il est vraiment très, très connu. Là. Tu rentres dans un magasin de disques, c'est son album qui joue dans le magasin. J'ai été là deux jours, là, il y a eu un article dans le journal sur lui. Vraiment très comme la vedette locale. Mais c'est ça, je trouvais ça dommage un peu, parce que c'est un artiste autochtone, mais il n'y a vraiment aucune racine autochtone. Il n'y a vraiment rien qui trahit son origine dans sa musique. C'est très, très américain. Donc, vous vous doutez que je ne me suis pas trop attardé là-dessus. Je, tu ne vas pas nous en jouer. Non, je ne vous ai pas amené une pièce de God. Et je t'en remercie. Ça fait plaisir. Je blague. Mais non, j'ai découvert quand même un groupe intéressant. Ça s'appelle Giant Con. C'est un groupe de Yellowknife. Qui ont fait un album à date, et aussi Giant Fun, je sais pas si c'est eux qui ont réalisé le film, mais ont participé à la production d'un film, un court-métrage ou un moyen-métrage, je dirais, dure 28 minutes, je pense, le film. Et c'est un film qui a été tourné à Yellowknife, avec des gens de Yellowknife, avec l'aide de la communauté, là, tout le monde s'est regroupé, on fait un film. Et John Conn ont fait la musique, ils ont participé aussi là, à plusieurs niveaux au film. J'ai pas pu l'acheter, par exemple. J'aurais aimé ça me le procurer. J'imagine que je pourrais éventuellement essayer de trouver ça. Mais j'ai quand même acheté l'album là, du groupe et je vous propose d'aller écouter une pièce de John Conn, qui est donc un groupe local de Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. On va l'entendre ça, qui est un territoire du Nord-Ouest. C'est long comme Ouest. Nom, hein, à écrire. Ouais. Ouais. Là, t'es revenu en Alberta en ce moment? Oui, je suis de retour à Medicine Hat. Oh, le joli Medicine Hat que tu aimes tant, hein? Écoute, c'est, on dirait que je commence à m'habituer là, à Medicine Hat. Là. Je suis même en train de. Je suis en train de prendre racine là, à Medicine Hat. Ah, ouais? Ah, OK. Tu nous avais pas dit que tu aurais un scoop quelconque pour nous? En fait, c'est que j'étais supposé à. Au moment où on se parle, j'étais supposé être à l'emploi d'une nouvelle compagnie. Okay. Mais finalement, je suis en période de statu quo. En tout cas, bref, non, c'est ça. Je suis en deux emplois là, présentement, mais c'est pas encore. Ça aurait dû être fait là, présentement, mais ça l'est pas encore. Puis c'est ça, comme je vous disais à propos de Medicinat, je suis en train là, de penser à rester ici, finalement. Tu vas peut-être aller là? Là, quelques mois, non, je ne sais pas pour ma vie, mais là, quelques mois, je vous disais que ma priorité, ouais, c'était de fuir mes dessinates au plus tôt. Ouais, ouais, tu trouvais ça difficile, je pense. Ouais, c'est ça, je trouve pas ça plus beau, là. Non. Je suis en train de m'habituer et de me faire des amis ici, fait que c'est ça, je suis en train de m'incruster à mes dessinates. Parfait, écoute, magasine les mères, puis... les belles-mères. Non, les mères, le maire de la ville. Ah, le maire de la ville, ça, pour décorer à sa façon, c'est ça? Ben, OK. OK, ben oui. Faut qu'il s'exprime. Un petit peu de décor ta ville. <Tu sais? rire> On aime ça. Amuse-toi encore une fois à Medicine Hat, et puis redonne-nous des nouvelles la semaine prochaine. C'était ben bien? Oui, certainement. Et puis, je te souhaite que ça débloque pour ton travail. Oui, bonne chance. Ben, merci beaucoup, les gars, puis bonne chance pour votre émission. Ah, elle roule. Ça va bien. Ça va très bien. Hey, bonne année! Bonne année! Hey, vous autres aussi. Bye, Kiwan. OK, bye. Salut. On écoute Giant Con et comment c'est? Class to Lie à Assemblage Requis sur C'est Fou. Class to Lie? Ouais, c'est là, quelque chose de genre. Class. C'est sieste? Je pense que c'est sieste to lie, c'est ça? Sieste to lie. Voices speak your destitute, and pretty faces leave no clues. When your eyes are wide, so we'd be fools not to ride the simplest chance in time. If I were you, I'd cease to lie under such fraudulent skies. I hope that you can loosen up anything that anyone has ever said is not enough. Choose to trust. Oh, choose to live or die. Let's fly. It's all been given time and time again. A name with no such fate. After all, I take the names of the friends and foes when the man who had it right was mumbo jumbo. Success from the others are collecting no barriers. Those still tied strong to those that come and those who have long gone. The ripple from fathers and fighting are praying. They don't become monsters, all others have answers. Still standing are all the cures and the cancers. The fruits of leisure and the last living measures. The meantime is colliding and breaking to wake up and seize themselves with the love of the stake. Allowing blues to be howled, but not from the downs of your treasure turned foul, but the soul you found. Whoa. Giant Gun et Cease to Lie, C-I-E-S-T, to Lie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, en fait. Je sais pas, c'est la première fois que je vois ça, ce mot-là. C-I-E-S-T, c'est un mot original, au moins, en tout cas, ça on peut le dire. C'est dans la chronique Kiwan en cavale, avec Kiwan en direct de l'Alberta. On le retrouve une fois de temps en temps, en fait, peut-être pas nécessairement chaque semaine, mais régulièrement ici à Assemblage Recu. On vous avertira à l'avance, bien évidemment. Et puis, ces chroniques Kiwan en cavale sont disponibles sur le site internet de C'est Fou, au www.kfao.ca. Fao.k. Mais dis-moi, c'est pas évident pour l'auditeur moyen, je pense. T'es sûr? Ouais, parce que en théorie, là, c'est CFOU.ca. Point C, hein? Point C. Ah, ouais. T'as dit. Mais là, c'est comme si on disait point COM, voyons, non? Point COM? Pour point com? Hein? Point CA. Point CA? Point CA. Faut tout épeler, c'est ça la blague, là. Point K. Ça tombe à plat, je pense. Point K. Ça tombe à PLAT. Mais là, t'es rendu PLATTE. TTE, il y a deux T dans plate. Non, mais t'es plate. Ben, je pense. Que je pense qu'il y a juste un T dans plate. Dans plate? Non. C'est beau. Je sais pas, moi non plus. Je l'ai pas écrit souvent à ce moment-là. Tu mêles un peu, là. Pendant qu'on cherche, moi je veux dire qu'on va retourner en musique dans quelques secondes. Ah oui. On va finir la première heure très bientôt aussi, mais avant ça, on a le temps de s'entendre Brand Van 3000 avec la pièce You featuring Francesca Como et Malicious. Como. Et puis t'as trouvé ces plates. Plate, deux, tu sais. Deux T? Ouais, mais c'est le nom d'une ancienne espèce de bateau. C'est une espèce de bateau. Je pense que c'est pas la bonne définition. Ça, c'est Platte River aussi. Il y a une rivière Platte, P-L-A-T-T-E. Il y a Platte County, Missouri aussi. Platte County, Wyoming. Platte River, moi, je le vois, ça. La compagnie Platte River Associates, Inc. Ouais, il y en a plein. Pas. Qu'est-ce qu'ils font, là? C'est tout pas en français, ça. Je trouve. Pas une patate. Une petite tape et v'là des queues pour les... Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi? Bon, là, il a fallu que je lâche ma job. Hé, comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée pis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je sois disponible pour l'écouter, hein? Ah, pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis. Hein. Ça reste une émission de deux heures, hein. Je te suis pas pantoute, là. Ben, c'est... laisse faire, là. Ah, attends un peu, là. Ah, ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage Requis, avec F.O. et Mathieu, du lundi au jeudi de 7h à 9h.